vous écoutez Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Ce soir à Futur Simple, nous allons vous parler de corps célestes très particuliers. Leur existence a été prédite par des théoriciens dans les années 60. Ils ont été longtemps recherchés et ont finalement été découverts en 1995. On les qualifie de chaînons manquants entre les étoiles et les planètes et certains d'étoiles ratées. Pour vous parler de ces corps célestes obscurs que sont les naines brunes, j'ai avec moi Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, François. Alors Jean-René, allons droit au but. Qu'est-ce qu'une naine brune? En fait, qu'est-ce qui caractérise ou définit ces corps célestes? La naine brune, pour le décrire un peu mieux, faisons la différence entre étoiles et planètes, tout d'abord. Oui. Donc, une étoile, c'est comme le Soleil, et c'est un objet qui s'auto-alimente au point de vue énergie par la fusion de l'hydrogène dans son centre, parce qu'elle est suffisamment massive pour pouvoir avoir élevé la température centrale à 4 millions de degrés et plus. Ça prend un objet massif pour le faire. Et fusion de l'hydrogène sur une longue période de temps. Donc, il y a, si on descend, une planète, elle, et n'a pas de fusion à l'intérieur. Une planète ne génère que très peu d'énergie de son intérieur. Comme la Terre, il y a une quantité d'énergie qui est générée à l'intérieur par la désintégration radioactive. Mais, disons, la chaleur de la surface est surtout déterminée par le rayonnement qu'on reçoit de notre étoile. Donc, on pourrait dire qu'une planète, c'est un objet qui ne se suffit pas en énergie pour créer sa propre luminosité. Et les planètes peuvent être de nature assez variée. Elles peuvent être rocheuses, elles peuvent être liquides, elles peuvent être gazeuses. Les étoiles ne sont que gazeuses. Essentiellement gazeuses. Mais il y a toujours eu une intrigue, dans le sens que dans les étoiles, on a un certain continu. On peut avoir des étoiles très peu massives. Le minimum de masse qu'il faut avoir pour générer de l'énergie à partir de la fusion de l'hydrogène, ce 4 millions de degrés, c'est environ 7% de la masse du Soleil. Et là, on a un continu d'étoiles jusqu'à 100 fois, 200 fois même la masse du Soleil. Okay. Donc, et elles ont toutes un peu leur propriété, mais toutes au début, leur centre carbure à l'hydrogène. Pour les petits objets, on a une espèce de continu aussi entre les météores, les grains de sable qui rentrent dans l'atmosphère, les astéroïdes un peu plus gros, les lunes, les planètes. Il y a un certain continu. Et il y a toujours eu cette interrogation d'objets qui seraient de très grosses Jupiters, plusieurs fois Jupiter comme tel. Ils seraient comment, ces objets-là? Est-ce qu'ils seraient rocheux, gazeux? On sait qu'ils ne seraient pas rocheux. Ils seraient plutôt gazeux. Ils seraient plutôt ressemblants à Jupiter. Mais leur masse serait suffisamment grande pour, en fait, qu'ils génèrent leur propre énergie, essentiellement pendant une très longue durée, en se contractant lentement et en chauffant leur centre par cette espèce de compression très lente qui génère de la matière. De la matière qui devient chauffée. L'autre chose qui a intrigué les gens, c'est qu'on ne peut pas brûler l'hydrogène, mais il y a un atome qui peut être brûlé à une température plus basse que l'hydrogène. C'est le deutérium. C'est une autre forme d'hydrogène. Et le deutérium, on peut le brûler à 2 millions de degrés. Et il va brûler assez rapidement, mais vu qu'il n'y en a pas beaucoup, on va l'épuiser très rapidement. Okay. Donc, en gros, on se dit, un objet qui va avoir cette propriété de ne pas être suffisamment massif pour brûler l'hydrogène pendant longtemps, mais suffisamment massif pour entretenir un peu de deutérium, un petit feu de paille comme ça pendant un certain temps, et l'essentiel de la vie de la bête sera de générer de l'énergie par contraction gravitationnelle. Ce genre d'objet, on les a classifiés comme étant une classe à part, une espèce d'hybride d'étoiles. On les appelle naines brunes, pas très imaginatif comme nom. C'est un fait. Mais est-ce que ça se pourrait que la combustion du deutérium amène suffisamment d'énergie chaude, finalement, suffisamment pour atteindre le 4 millions de degrés? Non, absolument pas. Il n'y en a d'ailleurs, pas assez, là, c'est ça. D'ailleurs, la propriété de l'étoile va être de en quelque sorte, de changer son cœur, de se contracter lentement, juste pour garder cette température critique. Et pour monter à la température critique, qui est deux fois plus grande, de 4 millions, faudrait accumuler plus de masse sur l'objet. OK. Ça peut arriver, mais ça doit être exceptionnel. OK. Donc, Dennenbrunn, finalement, ça peut quand même brûler un peu de deutérium. Oui, mais pas longtemps. C'est un peu un feu de paille. Et l'essentiel du rayonnement de l'Annenbrunn va perdurer des trillions d'années, en fait. OK. Et, oui, ces objets qui vont durer... mais qui vont se refroidir. Une naine brune peut commencer à des températures de surface, de l'ordre de quelques milliers de degrés. Pratiquement la température des étoiles les moins lumineuses, qu'on appelle des naines rouges. Je vous disais qu'on n'était pas très original, mais c'est le cas. Donc, elles vont se refroidir très, très lentement et on observe des naines brunes de toutes les températures. La température va être d'autant plus basse qu'elle va être âgée. Et on peut observer des naines brunes à des températures de surface de l'ordre de 0 degré Celsius. Okay. On les détecte par le rayonnement infrarouge avec des détecteurs très, très spéciaux. Donc, c'est une classe d'objets assez particuliers, mais qui vont probablement toujours être un peu plus chauds en surface que des planètes gazeuses géantes comme Jupiter et Saturne. Mm-hmm. Et aussi, qui sont quand même aussi plus grandes que Jupiter. Je pense qu'on disait que ça peut aller de 13 à 75 fois la masse de Jupiter. Oui, absolument. Donc, c'est l'autre chose. C'est toujours cette clé qu'on dit ça va être une naine brune si la masse est suffisante pour engendrer la combustion du deutérium pendant un certain temps. Il faut ce seuil de masse. Donc, en effet, on parle de la plage de masse pour les naines brunes de l'ordre d'une quinzaine de fois la masse de Jupiter, à peu près 75 fois la masse de Jupiter, ce qui correspond en fait au 7% de la masse du Soleil ou la combustion d'hydrogène au centre se déclenche parce qu'il fait assez chaud au centre. On a nos 4 millions de degrés. Mais la dimension de l'objet... Tous ces objets, même les petites étoiles, que j'ai appelées les naines rouges, dont on a parlé récemment parce qu'on a découvert trois planètes autour d'une naine rouge, qui est une étoile relativement froide, sa température n'est que de 1500 degrés, température de surface, sa dimension est à peine plus grosse que Jupiter. Donc, tous ces objets, curieusement, à cause de réarrangements internes, ont à peu près tous la même grosseur, qu'ils soient de la masse de Jupiter, donc 10 000 fois la masse de la Terre, ou à peu près 60-75 fois la masse de Jupiter, ou 7% de la masse du Soleil. Il y a quelque chose là qui fait que le corps s'arrange, quelle que soit sa masse, doit toujours être un peu la même grosseur que Jupiter. Il y a une espèce d'équilibre, de stabilité, de volume par rapport à la masse. Et ces corps célestes, qu'est-ce qui advient d'eux? Est-ce qu'ils tournent sur eux-mêmes comme des planètes? Est-ce qu'ils peuvent avoir des satellites aussi? Oui, on a observé une naine brune avec une planète. C'est sûr qu'on va en trouver d'autres, surtout par phénomène d'éclipse. Comme on a trouvé il y a quelques semaines trois planètes autour d'une étoile faible, on peut s'attendre qu'on va trouver que ces objets ont aussi leur planète. Et ça, c'est fascinant à penser que ces corps peuvent entretenir. Et la plupart des naines brunes sont ce qu'on appelle des free floaters dans l'univers. Sont des vagabonds, entre guillemets. Ils sont pas attachés à du soleil ou à du système. Quelques naines brunes sont comme attachées à une étoile, comme une immense planète qui est en orbite autour de l'étoile, mais on connaît un grand nombre de vagabonds. Comme tel. Et le plus grand nombre. D'ailleurs, ils sont probablement plus faciles à détecter que lorsqu'ils sont proches d'une étoile ou en orbite autour d'une étoile. Et est-ce que les naines brunes sont aussi nombreuses ou répandues dans notre galaxie? Grande question. Ouais. Très grande question. En fait, quand on regarde la statistique des étoiles, plus la masse de l'étoile est faible, plus il y en a. C'est un peu comme ce sont des règles de naturelles, qu'on pourrait dire de loi normale, peut-être? Ouais, en fait, c'est comme chez les humains, il y a peu de riches, il y a beaucoup de gens qui sont moins riches, encore beaucoup plus qui sont pas très riches ou c'est même pauvres. Donc, si on regarde la distribution de masse, il y a très peu d'étoiles de très grande masse, Il y a un grand nombre d'étoiles de la masse du Soleil et encore un plus grand nombre d'étoiles de la masse très faible, comme ce qu'on appelle de naine rouge. Et là, on a fait beaucoup d'hypothèses sur le nombre de naines brunes. Et curieusement, jusqu'ici, les relevés qu'on fait indiquent qu'il y aurait une carence de naines brunes. Et on comprend pas trop pourquoi. Et peut-être que des phénomènes de formation qui font qu'il y aurait une espèce de coupure. On peut pas faire des naines brunes autant qu'on veut. Et ça, c'est pas tout à fait bien compris. Mais il y en a beaucoup. Okay. Il y en a énormément. Il y a beaucoup plus de naines brunes dans notre Voie lactée, dans l'univers, que d'étoiles équivalentes à la masse du Soleil. Mais elles sont beaucoup plus difficiles à détecter parce que leur luminosité est très faible. Est-ce qu'on pourrait même, mettre des chiffres, Jean-René, dire qu'il y a de 3 à 6 fois moins de naines brunes que d'étoiles? Ou est-ce on ne peut pas mettre de chiffres à l'heure actuelle. Okay. Puis même en termes aussi de contribution massique, est-ce qu'on peut dire? C'est minime. C'est minime, ça? C'est minime. Ça, on est sûr que c'est minime. Mais pour revenir à la question par avant de quoi ont l'air ces objets, une chose que ces objets ont une atmosphère importante. Ils ont une météorologie qu'on suit extrêmement active et dynamique, un peu comme Jupiter et Saturne. On a observé sur quelques naines brunes qu'on a suivies particulièrement bien, et on peut extrapoler à d'autres, qu'elles ont des orages électriques, qui sont des phénomènes qui sont d'envergure beaucoup plus considérable que les orages électriques qu'on a sur Terre. Et peut-être pas aussi énergétiques que les grandes éruptions solaires, mais des phénomènes un peu semblables. Ils ont formation de nuages avec des poussières, avec certaines pluies, probablement de gaz comme d'ammoniac d'autres composés qui peuvent se former dans leur atmosphère. Et ça, c'est sous étude intensive, parce qu'il faut se rappeler, comme vous l'avez souligné dans le début de l'entrevue, que c'est récent qu'on a découvert qu'on appelle élégamment le chaînon manquant. Oui, c'est un fait. Alors vous disiez aussi qu'elles émettent des rayons, mais c'est surtout dans l'infrarouge. Est-ce que c'est ça qui fait qu'elles sont difficiles à détecter en soi? Absolument. Deux choses. Elles émettent dans l'infrarouge par leur température qui est relativement basse, de quelques degrés Celsius, disons 300 degrés Kelvin, à quelques milliers de degrés lorsqu'elles sont très jeunes, et elles perdent leur énergie en se contractant et en vieillissant. Donc, c'est une raison. Donc, le rayonnement est dans l'infrarouge, mais c'est surtout parce qu'elles sont petites. La quantité de surface qui émet l'infrarouge est aussi réduite. Et la technique de détection aussi, à l'infrarouge, fait des progrès énormes dans les années 90. Donc, c'est pas tout à fait accidentel qu'on a trouvé des naines brunes en 1995, parce qu'auparavant, on n'avait pas les détecteurs infrarouges pour être capable d'imager le ciel avec une grande efficacité. On pouvait le faire dans le domaine des ondes visibles auxquelles nos yeux sont sensibles, mais pas à l'infrarouge. On peut pas les voir, celles-là. On peut les voir, mais c'est une chaleur qu'on détecte. OK, mais je veux dire, on peut pas les voir avec un télescope optique. Les télescopes qui détectent les naines brunes sont les télescopes optiques avec lesquels j'ai travaillé. C'est pas un œil qui est à l'autre bout. C'est une caméra infrarouge et en fait, ce n'est pas notre œil est insensible. La majeure partie du rayonnement qui vient d'une naine brune va être à des longueurs d'onde à peu près 10 à 25 fois plus longue que la longueur d'onde des couleurs que notre œil est sensible. La plus longue, c'est le rouge. Donc, on appelle ce rayonnement au-delà, on l'appelle infrarouge. Tout simplement. Encore un terme générique qui couvre une plage quand même électromagnétique assez considérable, qui correspond à des corps qui émettent à partir d'une température de quelques centaines de degrés à environ un millier de degrés. Mais étant donné leur distance, étant donné qu'elles sont pas énormes, elles sont quand même assez énormes, mais elles sont pas très puissantes, elles sont quand même assez difficiles. Pour revenir toujours à ce point, parce qu'elles sont faiblement lumineuses, on ne détecte les naines brunes qui sont relativement proches de nous. Ah bon, OK. Donc, on ne peut faire un recensement que des naines brunes qui sont jusqu'à des distances de l'ordre de quelques dizaines d'années-lumière. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on faut faire attention. Si on fait des statistiques, on n'en trouve pas autant que ce à quoi on s'attendait, mais le volume qu'on peut échantillonner reste restreint à cause de ces facteurs de faible luminosité et de rayonnement dans le domaine infrarouge. J'ai vu une étude qui a été réalisée par deux Allemands à l'Institut Leibniz d'astrophysique à Potsdam, qui est en banlieue de Berlin. Alors, deux chercheurs allemands, Gabriel Behein et Ralf Dieter Scholz. Alors, ils auraient, ils disent qu'il y a un déficit prononcé de naines brunes dans la moitié du ciel. Et, ils savaient pas trop à quoi c'était dû. Je sais pas, vous, avez-vous une idée de... Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il y a deux facteurs. C'est que l'échantillonnage du ciel est peut-être biaisé vers une région du ciel. Ah, OK. Tout simplement. Mais l'autre chose, c'est de voir quel est l'échantillon, quelle est la grosseur de l'échantillon. Si on parle de quelques centaines et de quelques milliers... On peut être biaisé en ayant plus vers le centre de la Voie lactée, en ayant moins derrière nous. Ce serait un peu normal. Donc, il y a plusieurs facteurs possibles à l'heure actuelle qui peuvent expliquer leurs résultats, quoique je n'ai pas lu leur publication. Mais ce qui reste, c'est que le domaine échantillonné est relativement petit. Ces objets sont pas mal nouveaux. Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, on a fait... souvent l'hypothèse de la possibilité qu'il y ait une naine brune dans le système solaire à une grande distance du Soleil. Donc, on a un compagnon naine brune qui appartienne au système solaire. Mais maintenant, avec justement des meilleures technologies, on a à peu près éliminé cette possibilité. Au contraire, qui est remplacée par la fameuse planète X, qui aurait la taille de Neptune et qui serait à 30 fois la distance de Neptune. Donc, en fait, tout le domaine des naines brunes reste fascinant, mais la partie, je pense, qui va être le sujet de la recherche, qui est le sujet de la recherche actuelle et dans le futur, c'est d'abord la statistique, le nombre. Ça, c'est certain que ça demeure un sujet intéressant pour comprendre leur formation, leur origine. L'autre... C'est l'étude de leurs propriétés atmosphériques, parce que ce sont vraiment des objets bizarres, mi-planètes, mi-étoiles, qui, du point de vue météorologie, sont plus proches, par exemple, des planètes. Et l'autre chose, c'est l'existence possible de planètes autour de naines brunes. Et là, quelle serait la nature de ces planètes? Il ne ferait pas chaud sur ces planètes, parce que les objets naines brunes sont, en tout cas, pour la majeure partie de leur durée de vie, plutôt froids. Mais il pourrait y avoir des choses curieuses dans des planètes qui tourneraient autour de naines brunes, et il pourrait y avoir de l'eau, en fait, sur ces planètes qui seraient dans le cortège planétaire de naines brunes pendant un certain temps. Et si elles sont à une distance appropriée de... Et on pourrait imaginer peut-être des possibilités de vie là aussi. Mais on serait dans le domaine de la spéculation, encore une fois. Il y a différents facteurs aussi qui rendent l'étude des naines brunes intéressante. C'est que elles sont peu lumineuses et elles sont relativement froides, mais il y a des phénomènes de chimie et peut-être même de chimie prébiotique qui pourraient avoir lieu dans leurs atmosphères. Donc, tout ça est un peu à suivre et je suis content qu'on ait eu l'occasion de parler de cette famille d'objets cosmiques qui est toute nouvelle et qui est encore un tout nouveau pour l'exploration astronomique. Est-ce que ça peut même nous aider à comprendre l'univers ou la formation des étoiles ou encore les mouvements l'étude des naines brunes peut nous amener à faire des progrès, c'est vraiment de comprendre la formation des planètes comme telle. Parce que, entre autres, si on trouve, et on l'a trouvé, comment, quand une étoile se forme avec son cortège de planètes, En général, la majeure partie de la masse va dans l'étoile centrale, en tout cas dans notre système et dans beaucoup d'autres systèmes qu'on connaît, et une minime fraction, une fraction d'un pour cent va dans les planètes. Donc, les naines brunes sont un peu le mouton noir là-dedans. Là. Et si une naine brune se forme dans un cortège planétaire d'une étoile normale, là, on peut parler d'une quantité de masse qui peut atteindre plusieurs pourcents de la masse de l'étoile. Et s'il y a quelques naines brunes, quoi qu'on n'a pas découvert encore d'étoiles entourées de plus d'une naine brune, ça pourra nous donner des indices. Mais faut se rappeler qu'on a découvert, qu'on a imagé autour de certaines étoiles des planètes qui sont comme Jupiter, mais qui sont beaucoup plus grosses que Jupiter sans être des naines brunes. Donc, ils sont 4-5 fois la masse de Jupiter. Okay. Il y a une étoile en particulier que des Canadiens ont observée et autour de laquelle ils ont trouvé 4 planètes géantes. Ah bon? Okay. Et ces planètes-là sont un peu comme des naines brunes manquées. C'est comme ça. Comme on dit que les naines brunes sont des étoiles manquées. Oui, alors c'est un autre chaînon manquant. Donc, ça nous aide à faire le pont entre tous ces objets. La continuité. La continuité qu'on s'attend d'un point de vue naturel. Et quand il y a une discontinuité, c'est qu'il y a un phénomène physique qu'on comprend mal. Pour terminer, Jean-René, je lisais justement en préparant l'entrevue que des chercheurs espéraient que les naines brunes expliqueraient la masse manquante ou la masse cachée de la galaxie. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de masse manquante ou cachée? La masse, en fait, ce qu'on parle, là, c'est de la masse sombre, en fait. Okay. La matière sombre. C'est quelque chose de complètement différent. Okay. Disons tout de suite, les naines brunes, il n'y a pas question que les naines brunes expliquent la matière sombre. Okay. La matière sombre, elle est quelque chose qui a été découvert tout d'abord en 1933 par un astrophysicien suisse travaillant aux États-Unis, Fritz Zwicky. Et l'existence de cette matière sombre a été renforcée par des études menées par un groupe d'Américains sous l'égide de la jeune astronome à l'époque, Vera Rubin. Et ce à quoi on a affaire ici, c'est que on observe des objets qui tournent autour d'autres objets. Ici, le meilleur exemple, c'est les étoiles qui tournent au centre d'une galaxie. On observe la vitesse de ces objets. Selon les lois de Newton, on est capable de dériver la masse du système. Donc, si vous savez à quelle distance la Terre est du Soleil, vous mesurez la vitesse de la Terre en révolution autour du Soleil, vous déterminez avec une très grande précision la masse du Soleil. Donc, si vous le faites pour plusieurs planètes, vous allez avoir une masse. Et là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est quand on mesurait les vitesses des étoiles autour des centres de galaxies, c'est que la masse qu'on dérivait était énormément plus grande, 6 à 10 fois plus grande, que la masse qu'on voit, qu'on dérive en faisant la somme des masses de toutes les étoiles individuelles. Et on s'est rendu compte aussi que cette masse, elle est à très grande échelle. On n'a aucun signe de matière sombre dans le système solaire. Dans le système solaire, la mécanique est expliquée par la masse du Soleil et les masses de chacune des composantes. Mais quand on arrive à des échelles de plusieurs centaines de milliers d'années-lumière, surtout de quelques millions d'années-lumière, il y a quelque chose qui est là, qu'on appelle matière sombre parce qu'on n'a pas d'autres meilleures expressions, et qui représente une masse, quand on regarde ses effets dynamiques, on représente une masse de 6 à 10 fois la masse observée en faisant la somme de toutes les étoiles, de toutes les planètes, de toutes les naines brunes, de tous les trous noirs. Donc, c'est pas des trous noirs. C'est considérable. C'est considérable et c'est une des grandes questions, une des choses les plus embêtantes qu'il y a en astrophysique actuelle. Et le meilleur terme qu'il y aurait, plutôt que de masse manquante et tout, c'est d'appeler ça, masse transparente ou masse invisible. Masse transparente, parce qu'on sait que c'est une matière, on ne sait pas ce qu'elle est, mais c'est une matière qui ne bloque pas la lumière. Ah bon? Donc, elle est là, elle est transparente. Elle ne bloque pas la lumière, elle n'en émet pas. OK. Mais elle est là. On peut imaginer ça comme un fluide transparent, invisible, qui remplit et qui domine la gravité à grande échelle, mais dont on ne connaît pas la nature, et il y a plusieurs expériences à l'heure actuelle pour essayer de détecter diable, c'est quoi qui constitue cette matière invisible. Parce que dans la théorie standard en physique des hautes énergies, il y a des possibilités de pouvoir expliquer les particules qui constitueraient cette matière visible et transparente. Il y a certaines possibilités théoriques, mais à l'heure actuelle, on cherche encore et on va peut-être chercher encore pendant quelques années. Ben, on pourra peut-être en reparler dans une prochaine émission. Il est possible que l'année prochaine, on ait découvert les fameuses particules de matière invisible et transparente. Alors, c'est tout le temps qu'on a malheureusement. Alors, merci beaucoup, Jean-René, pour cette fascinante aventure dans l'espace. Jean-René Roy est astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Alors, on vous souhaite un très bel été. On espère vous revoir l'automne prochain. Grand plaisir de revenir. Oui. Alors, nous allons en pause publicitaire. C'est suivi peut-être une pause musicale et on vous revient avec Adèle Mazurek qui nous parlera de la découverte de nouveaux coraux en Amazonie. À tout de suite. 89.1.